pas tout. Je dois peut-être te dire je t'aime, faut pas rêver. Même dans mon lit, rester sur scène, mais faut pas rêver. Je ne sais pas dire les mots doux. Sous la pluie, faut pas rêver. Pour quelques nuits, vouloir une vie, faut pas rêver. Tu ne comprends pas que l'on joue. L'éternité, comme dans les livres, faut pas rêver. Je suis flou.